Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission. La parole est à vous. Avec mon partenaire habituel, parce que c'est un magazine santé aujourd'hui. On va parler santé, bien sûr. Hein. Jean Tisserand. Docteur. Bonsoir Jean. Bonsoir Michel. Et puis Jocelyne, qu'on a déjà accueillie, qui a été accueillie hier par l'IA, puisqu'on va parler sophrologie, on va parler un peu de cette technique de soins, enfin plutôt de prévention qu'on pourrait dire. Parler aussi un peu sport adapté, puisque Aurélie n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais voilà. Puis faire le bilan des actions qui sont en cours avec Jocelyne. Et puis arc-en-ciel, non, comment c'est, non. Ciel bleu, l'association voilà. Ciel bleu. Voilà, ciel bleu. Voilà, je laisse un peu la parole à Aurélie, Jocelyne, pour qu'elle présente un peu, qu'elle nous rappelle un petit peu les bases de la sophrologie, puisqu'on va parler sophrologie aussi, et puis qu'elle fasse le point sur les actions qui ont déjà été menées jusqu'à présent, depuis début juillet, et qui ne sont pas terminées. Voilà. Bonjour à tous. Je vais parler en mon nom, mais aussi au nom d'Aurélie qui, comme vous disait Michel, n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc, je vais tout d'abord vous parler de sophrologie, mon cœur de métier. Donc, la sophrologie, c'est une technique très douce qui permet d'accompagner notre quotidien dans beaucoup de domaines. Elle permet notamment de faire face aux situations nouvelles de notre vie qui sont quand même qui reviennent très souvent. On peut travailler aussi le renforcement de la confiance en soi, la motivation. Elle aide à favoriser la détente également, à développer nos capacités mentales, à développer notre créativité, mais aussi à stimuler nos défenses immunitaires, à activer nos fonctions physiologiques, à mieux gérer la douleur, le stress, les émotions, l'anxiété, à développer son énergie, sa vitalité, à améliorer aussi la qualité de son sommeil, à accompagner aussi un examen médical, à la préparation d'un examen médical, accompagner aussi l'accouchement, et puis bien sûr à accompagner les troubles alimentaires, les troubles liés aux dépendances, et accompagner le deuil, entre autres. Ce sont une partie des domaines de compétences de la sophrologie. J'ai choisi plus particulièrement d'accompagner les personnes fragilisées, qu'elles soient fragilisées par la maladie, qu'elles soient fragilisées par le vieillissement ou qu'elles soient fragilisées par la précarité. Mais j'interviens aussi dans d'autres cadres avec des enfants. Et j'interviens soit de manière individuelle, soit de manière collective. Je voudrais que tu me rappelles la formation. Alors, je suis sophrologue et j'ai été formée à l'Institut de formation à la sophrologie de Catherine Aliota, qui elle-même était sophrologue et a créé son école de sophrologie dans le 10e arrondissement de Paris. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une branche de la psychologie, finalement, là ? C'est différent, c'est un complément à la psychologie. Il y a vraiment... la sophrologie, elle est faite de beaucoup de choses. Caicedo, qui a créé la sophrologie, s'est inspiré de la psychologie, entre autres, mais aussi de la relaxation, pour ce qui concerne le côté occidental, de la Grèce classique par rapport à la voix employée, par rapport au rythme de voix, mais aussi d'autres techniques orientales, comme la méditation, comme le yoga. Voilà, comme aussi, c'est en lien aussi avec la philosophie bouddhiste. Donc c'est vraiment un mélange de toutes ces pratiques, et il en a fait sa propre technique, qui est la sophrologie. Donc effectivement, il y a une part de psychologie dans le sens où on écoute les personnes, on les accompagne, mais aussi par l'écoute. Mais on n'a pas du tout les outils du psychologue. C'est pour ça qu'on est très complémentaires. D'accord. Alors, la question est aujourd'hui que les actions que vous avez débutées en lien avec des partenaires locaux, hein, depuis le début juillet. Comment ça s'est passé? Alors, Alors effectivement, on était venu présenter avec Aurélie Poulain de l'association Ciel Bleu notre projet d'accompagnement des seniors par la sophrologie et l'activité physique adaptée sur 30 semaines en alternance sur deux secteurs différents qui sont le secteur de Cornimont. Ça a débuté à Cornimont donc le 4 juillet et de Saint-Dié qui a débuté le 31 juillet. Cornimont, nous avons maintenant un groupe formé, régulier, de 24 personnes. On a été victime de notre succès. Donc là, on avait prévu, nous, 15 personnes, donc très grand succès. Ça fonctionne très bien. Les personnes apprécient autant l'activité physique adaptée que la sophrologie. Quel public ? Alors, c'est le public des seniors, donc des personnes de 60 ans et plus, quel que soit leur état de santé. C'est-à-dire, comme le dit très bien le terme d'activité physique adaptée, on s'adapte à l'état de santé des personnes. Donc, cette activité physique adaptée permet, entre autres, de maintenir une certaine autonomie, de pouvoir solliciter son corps au niveau articulaire, au niveau musculaire, donc de pouvoir cardiaque aussi, au niveau justement de on envisage vraiment de pouvoir maintenir la personne à domicile le plus longtemps possible, hein, ce qui évite son placement en institution. Aurélie travaille plus particulièrement sur la stabilité posturale, sur le système d'équilibration, pour éviter justement les risques de chute ou réduire les conséquences de celles-ci. Ça permet aussi de réduire et de faire reculer le seuil de fatigue, hein, de la personne, et puis d'améliorer aussi le bien-être social. Et c'est là qu'on se rejoint aussi, parce que ces groupes, hein, on travaille là en collectif sur ce projet qui s'appelle Sophrociel, bah ces groupes font que les personnes se retrouvent sur 30 semaines, toutes les semaines ensemble, et donc ça crée du lien social, et ça c'est très important. Et vous avez des personnes qui sont déjà en établissement ? Alors non, une des branches de Ciel Bleu intervient en établissement. Ça n'est pas notre projet Sophrociel, sophrologie et activité physique adaptée, mais Aurélie vous en parlerait beaucoup mieux que moi, et elle vous en parlera d'ailleurs beaucoup mieux que moi dans sa présentation de l'activité physique adaptée. S'ils interviennent au niveau de Ciel Bleu dans différentes institutions auprès de différents publics. Pas uniquement les seniors, pas uniquement les personnes qui vivent encore à la maison. Donc là, c'est un public sous troisième âge. C'est un public senior, ouais. C'est un public exclusivement senior. Le projet financé. Quelques soignants ne se sont pas joints au groupe pour apprécier un petit peu ces. Non, pas ces pour techniques. L'instant, mais je pense que. Déjà, on intervient en institution. Moi, j'interviens auprès des soignants en institution. Oui. Aurélie intervient, je pense, avec les soignants, en tout cas en lien avec les soignants en institution. C'est pour donc, ça que je posais la question. Voilà, hein, c'est vraiment. Oui. Mais dans nos groupes formés dans le cadre de Sophrociel, nous n'avons pas de soignants qui se sont intégrés. Les places étant limitées, c'est peut-être pour ça que la place a été laissée aux seniors. Donc Cornimont fonctionne depuis maintenant un mois et demi et on a débuté donc sur Saint-Dié, le deuxième lieu d'intervention depuis le 31 juillet. Là nous avons un groupe de 5 personnes pour le moment, mais c'était les vacances et nous avons contact avec une association qui elle regroupe plus de 600 retraités et personnes âgées. Donc je me suis permise de les contacter avec l'accord d'Aurélie, bien sûr. Et nous allons certainement avoir, enfin nous avons bon espoir en tout cas, début septembre, d'atteindre nos 15 personnes minima, nos 15 seniors minima. Et peut-être, vu la quantité de personnes qui risquent de s'inscrire, de demander de nouveaux financements et de pouvoir remettre en place d'autres sessions de 30 séances. Oui. Je voudrais savoir, on se trouve quelque part entre une technique de développement personnel, une technique de kinésithérapie, etc. Vous pouvez nous décrire un petit peu une séance type ? Alors, une séance de sophrologie dure entre 1h et 1h30. Il y a donc une partie échange avec la personne ou échange avec le groupe qui va déterminer quel est le besoin du jour ? Parce que la sophrologie, c'est uniquement l'ici et maintenant. Bien sûr, avec un guide... On part sur le vécu quand même On part sur le vécu, voilà. Alors, on part sur le vécu d'un groupe, sur le ressenti d'un groupe à l'instant présent. Ensuite, Les groupes étaient assez homogènes, si je comprends bien, finalement. C'est des personnes qui se connaissaient déjà Non. Non, c'est des personnes qu'on fait connaissance. Sur Cornimont, elles se connaissaient déjà, mais pas dans le cadre de la sophrologie, pas dans le cadre de l'activité adaptée. Elles se connaissent parce qu'elles vivent dans la commune la plupart depuis. Elles se connaissent malgré tout. Voilà. Il y avait déjà un lien social qui avait peut-être été rompu à un moment. Et puis là, elles sont toutes contentes de se retrouver, vraiment. Il y a majorité de femmes. On a quand même... Alors oui, majorité de femmes, bien sûr. Mais on a quand même, dans le groupe de Cornimont, 5 hommes. Donc des couples qui nous ont qui ont rejoint l'activité et qui apprécient les deux activités. Moyenne d'âge. Je dirais on doit être on leur a pas demandé leur âge, mais pense que ce sont des personnes, de toute façon c'est sûr qu'ils sont retraités, donc plus de 60 ans. Je pense que la moyenne d'âge doit être autour de 70 ans. Décrivez-nous une séance, j'aimerais bien ça connaître. Alors, donc après avoir fait connaissance et recueilli les besoins de chacun, moi je construis ma séance. Oui. Donc avec une partie respiration consciente, donc respiration, on respire naturellement, on respire de manière réflexe, c'est ce que je suis en train de faire en vous parlant. Là, on va conscientiser cette respiration, parce que chaque respiration, on lui donne une intention. Ensuite, on peut sur ces respirations intégrer des mouvements qui eux aussi, alors des mouvements doux hein, bien sûr, qui eux aussi ont l'intention en lien avec les besoins du groupe bien sûr. Ça s'appelle la partie dynamique parce qu'on est encore en mouvement. La seconde partie, on va amener le corps à un relâchement donc de son tonus, on va apporter une décontraction musculaire et donc bien sûr la deuxième partie se pratique, elle, assise ou allongée. La première partie, elle peut se pratiquer debout, assis ou allongée. On va donc amener le corps petit à petit à se détendre, à relâcher quelques tensions. Et ensuite, on va proposer par des visualisations positives, des images positives, un travail sur le besoin déterminé le jour, enfin en début de cette séance-là, le jour J. Ensuite, bien sûr, les besoins étaient déterminés par le groupe. Alors, par le groupe, par les recueils de début de séance. Et à quel moment intervient Aurélie ? Alors, Aurélie, elle intervient la semaine suivante. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'elle a son programme d'activité physique adaptée. Elle, c'est vraiment un programme établi. Mais elle fait aussi, bien sûr, connaissance avec les personnes du groupe parce qu'elle va adapter ses séances, même avec ce programme établi, en fonction de l'état de santé des personnes. C'est-à-dire qu'elle assiste aussi aux séances que tu... Alors non. Elle, c'est vraiment une semaine sophrologie, une semaine activité physique adaptée. D'accord. Mais on est en lien régulier. Par contre, on est en lien, pas permanent, mais très régulier par rapport à notre activité, par rapport à notre projet. Hein, bien sûr. Est-ce que les patients, entre guillemets, vont aller dans un état de conscience modifié ? Alors, je suis assez surprise qu'effectivement, ils partent dans un état de conscience modifié assez rapidement. On appelle ça l'attention flottante et c'est un état qu'on vit tous les jours. En fait, une fois qu'on est couché, qu'on se pose pour dormir, on est vraiment dans cet état de vigilance qui s'appelle donc l'attention flottante. On ne dort pas encore, mais on n'est pas vraiment éveillé et on se promène entre veille et sommeil. Ça, le soir, généralement, on bascule dans un sommeil léger pour commencer sa nuit. Et donc, ensuite, on enchaîne les cycles de sommeil. Donc, c'est un état connu de notre corps. C'est pour ça que c'est étonnant et pas étonnant en même temps que les personnes soient dans cet état de conscience modifiée assez facilement. Certains s'endorment, enfin c'est pas le but. Oui. Certains s'endorment avec la pratique. Ah oui, tout à fait. Une fois que les personnes sont en confiance, que le groupe est créé, j'interviens dans un groupe depuis 8 ans, ça va faire notre 9e année, les personnes viennent certaines depuis le début et elles plongent très rapidement dans cet état de vigilance, dans cet état de conscience modifié, et elles peuvent s'endormir très rapidement. Mais c'est un sommeil léger, c'est-à-dire que ça n'est pas un sommeil profond où on n'entend plus du tout ce qui se passe. C'est le sommeil où on entend parfois la sophrologue très loin, parfois tout à côté, on se promène entre veille et sommeil en fait. Et les interactions au niveau du groupe? Alors il y a beaucoup d'échanges hein, au niveau du groupe, à chaque retrouvaille, on va dire, hebdomadaire aussi. Les personnes ont un temps d'échange pour elles. Je prends vraiment le temps, moi la séance dure 1h30 parce que je laisse une grande part d'échange, à peu près une demi-heure d'échange entre les retrouvailles des participants et la collecte des données pour créer ma séance. Ensuite, le reste de la séance dure 1 heure jusqu'à notre fin de séance. Tu prends aussi des notes ? Oui, je prends des notes et j'ai un suivi de l'activité, bien sûr. Non seulement pour l'association, mais pour moi. Et le caractère collectif est-il gênant ? Parce qu'il y a peut-être des choses que les gens n'ont peut-être pas envie d'exprimer ou de ressentir publiquement. C'est pas trop difficile. Alors, plus de 20 personnes, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'habituellement, nous nous limitons à 15 personnes. C'est sur une activité qui a une durée, donc 30 semaines, c'est déjà long. Mais ça permet aussi, ces 30 semaines, qu'une confiance se crée. Et comme dit le docteur Tisserand, en fait, au départ, il y a des personnes qui ne vont pas confier. Le pourquoi, du comment, elles sont là. Oui. Et puis, on se rend compte vraiment très rapidement, parce qu'il y a vraiment une dynamique de groupe. Il y a vraiment, puis là, je suis très garante de cette dynamique de groupe, dans la mesure où un groupe ne peut fonctionner que sous trois conditions. Qui est une écoute bienveillante et attentive. Qui est le respect. Et que le groupe fonctionne dans la confidentialité. C'est-à-dire que ce qui va se vivre dans la salle où on intervient, ne franchira pas la porte de cette salle. Ah, je crois que c'est très important. Et ça, c'est très important. Très, très important. Et effectivement, au fil du temps, on se rend compte que les personnes se livrent plus facilement. Effectivement, il y a des personnes qui se livrent tout de suite, qui vont avoir un tel besoin de poser les choses et qu'elles portent depuis si longtemps que oui, il y a besoin et je pose. Et puis, il y en a qui ont besoin de cette confiance aussi, qui va permettre de poser les choses et de travailler sur ces choses. Quelle nature des angoisses et... Il y a des deuils, des accompagnements de pathologies, de la souffrance. Il y a également le vécu de la maladie. Il y a les contraintes aussi du vieillissement avec certaines pertes d'autonomie. Voilà, il y a plein de choses qui sont livrées. Et puis il y a tout le quotidien aussi et la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc ça peut être des soucis avec les enfants, ça peut être des soucis de santé du conjoint, ça peut être beaucoup beaucoup de choses, mais savoir avoir un lieu où ça peut être posé sans jugement, sans a priori, accueilli par un groupe, permet rien que ça de se sentir libéré en partant. Oui. Est-ce qu'il y a une part importante de patients ou de patientes qui ont des problèmes de santé graves, personnels, ils trouvent chez vous une aide à mieux vivre ça, peut-être, non ? Alors, effectivement, j'accompagne aussi des groupes de patients dans le cadre d'associations. Et on a d'ailleurs des projets avec Aurélie. On a déjà eu des contacts et théoriquement, ça devrait se mettre en place fin 2019, courant 2020 certainement. Et on accompagne effectivement des patients, que ce soit moi dans mon cadre libéral individuel. J'ai accompagné des associations de patients atteints de troubles neurologiques. Ce projet touche aussi des patients atteints de troubles neurologiques. Oui. Et qui va débuter fin septembre et début octobre, l'accompagnement avec la Ligue contre le cancer, qui va débuter aussi sur Cornimont et qui va débuter sur le Val d'Ajol. Puisque le président... C'est Monsieur Claudel, Maurice Claudel. Et il va y avoir également une sophrologue qui va intervenir sur Épinal. Donc les trois activités vont débuter au cours du quatrième trimestre 2019. Voilà, c'est validé, c'est financé. Donc une chose importante, hein, que ce soit... Financé par qui ? Alors, pour la Ligue contre le cancer, c'est financé par la Ligue. C'est-à-dire que pour les personnes atteintes de cancer ou en rémission de cancer... Elles viennent, ça ne leur coûte rien. C'est financé par les actions de la Ligue, qui sont menées, par exemple, dans le cadre des Foulées Roses, qui sont menées dans le cadre d'une Rose, un espoir. Voilà, donc financé, transparent pour le patient. Et là, par contre, les groupes sont très restreints. Pour ma part, je n'accompagnerai pas plus que 5 ou 8 personnes. 8 personnes maximum. Hein, c'est déjà énorme. Cela, c'est une attention toute particulière avec les personnes atteintes de la maladie et avec les personnes en rémission. Parce qu'actuellement, la sophrologie en France n'est pas reconnue comme une technique de santé à part entière. Non, du tout. Du alors tout. Que vous apportez largement votre pierre à l'édifice santé. Tout à fait. C'est vrai que Catherine Aliotta, qui est la directrice de mon école, mais elle n'est pas que la directrice de mon école, elle est également à l'initiative de la création de l'Observatoire national de sophrologie. L'Observatoire national de sophrologie a été créé en 2008 par Catherine et une équipe pour faire reconnaître justement la sophrologie, non plus uniquement en technique de développement personnel, voilà, mais en tant que science humaine. C'est reconnu. Maintenant, il y a vraiment cette reconnaissance qui existe. Certaines mutuelles prennent en charge certaines séances de sophrologie, un certain nombre, à un certain tarif, comme l'ostéopathie est maintenant prise en charge aussi par les mutuelles de manière beaucoup plus vaste. Donc ça avance, la sécurité sociale, voilà, c'est une autre histoire. La difficulté d'avoir des études cliniques objectives, concrètes, quand on parle du comportement humain, du ressenti humain, ça c'est extrêmement difficile. Quoi. Tout à fait, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Sont extrêmement compliqués, difficiles et quasiment impossibles puisqu'on parle d'individus. On ne peut pas les comparer à des individus témoins. Donc on est dans le domaine de la science exacte, de preuves, d'études en double aveugle, etc., qui sont impossibles à réaliser en psychologie, ni même en sophrologie, ou en hypnose, etc. Et pourtant, il faut reconnaître le bienfait de ces techniques. Moi, j'ai vécu ça un petit peu dans les préparations à l'accouchement et on a vu des patientes dans des états remarquables en cours d'accouchement particulièrement difficiles quelquefois grâce à la sophrologie. Est-ce que les patients peuvent refaire des séances individuelles isolées chez elles de relaxation, de détente, de yoga, combiner toutes les techniques Alors, pour je pense améliorer cette ou poursuivre le travail. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le but, ça n'est pas d'être en séance de sophrologie avec un sophrologue, bien évidemment. Ouais. Une chose qui est importante aussi, c'est que ça ne se substitue, la sophrologie ou ces techniques alternatives, absolument pas à l'accompagnement par la médecine, à l'accompagnement par les traitements. Oui. C'est une question qu'avait posée Michel à l'émission où j'avais pu participer. C'est vraiment une technique complémentaire. On la vit de cette façon-là. Ensuite, oui, effectivement, c'est important parce que ça passe par un entraînement régulier, répétitif. Et c'est vrai que moi, la partie dynamique, je la remets aux personnes que j'accompagne parce que dans les projets Sophrociel, effectivement, on se voit toutes les semaines. Dans les projets de mes groupes sur Cornimont, le Val d'Ajol, on se voit toutes les semaines. Mais il y a d'autres projets où on se voit sur une durée bien déterminée. Et le but, c'est que la personne continue à pratiquer la sophrologie et acquiert les outils qui vont lui permettre ce mieux-être. J'ai vu ça pour l'accouchement des patientes qui étaient seules en salle de travail et qui se mettaient dans un état tel que de relaxation, de détente, de domination, certainement de la violence de ce qui se passait, seul finalement. Donc ça se passe certainement par un entraînement par un ou une sophrologue, et puis ensuite travail personnel que l'on continue et que l'on continue jusqu'au jour de l'accouchement. Enfin, tout à fait, puis même au-delà de ça. Même au-delà, parce que c'est vrai que l'arrivée d'un nouveau-né dans une famille bouleverse beaucoup de choses. Et si cette arrivée peut se passer le plus sereinement possible, la sophrologie est un outil d'aide. Mm-hmm. Moi, je sais que j'ai une formation complémentaire accompagnement de la périnatalité, donc du début de la grossesse jusqu'à largement après l'accouchement, qui permet justement d'utiliser les outils de la sophrologie et du yoga thérapeutique, parce que cette formation était aussi à base de yoga thérapeutique, pour que la personne et la famille arrivent à trouver sa place et ce nouvel équilibre. Oui, l'accouchement, c'est ça aussi, c'est l'arrivée d'un nouvel aide, d'un nouvel équilibre familial avec tout. L'incertitude, l'angoisse que ça peut comporter. Et si on peut arriver à apprivoiser nos angoisses et apprivoiser nos craintes par rapport à tous ces bouleversements qui arrivent dans notre vie par choix, hein, bien sûr, bien mais sûr, oui. C'est, voilà, c'est quelque chose de positif. Totale. On ne mesure pas tout. Hein. Non, je dirais même qu'on ne domine même pas grand-chose dans la vie. Même le désir d'enfant. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que toutes les conséquences, on ne peut pas les envisager. Non, du tout. Du tout. Ah, même s'il y a l'expérience des parents, des arrière-grands-parents, que sais-je. Je disais, la sophrologie, hein, tout à l'heure, quand je l'ai présentée, elle permet vraiment une adaptation au quotidien. Avec tous les bouleversements du quotidien, et on a des bouleversements de notre naissance jusqu'à notre mort. La vie est très mouvementée, hein, elle est rarement plate et calme. Donc ça, la sophro, c'est aussi une philosophie de vie. C'est aussi une philosophie de vie. Pour moi, sincèrement, ça n'est pas que mon métier, c'est ma philosophie de vie. Moi, je vis tous les jours avec la sophrologie, je la pratique très régulièrement, mais même naturellement. C'est devenu, elle fait partie totalement de ma vie. En sachant que, voilà, simplement une... Moi, j'aime bien méditer. Ça exige aussi une certaine hygiène de vie. Je pense, naturellement, on se met dans cette hygiène de vie. C'est quelque chose, ça devient un besoin. Alors, pas, on n'est pas accro hein, à cette philosophie de vie, mais c'est un besoin. On voit la vie autrement. On fait attention. Comme on est dans l'instant présent, on n'est pas dans un futur lointain qu'on ne connaît pas et qui crée des peurs. On n'est pas dans un passé qu'on ne peut pas, qu'on ne peut plus modifier. On est dans l'instant présent. Donc on va voir et vivre beaucoup plus de choses. Parce que notre futur se construit dans le présent. Et notre passé s'accepte aussi dans le présent. Donc c'est vraiment oui, c'est ces petites choses, ces petits bonheurs dont on a beaucoup plus conscience. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je pense que d'autres sophrologues l'ont vécu comme ça aussi. Ce sera à elles de le dire, ou à eux de le dire. Mais moi, c'est vraiment ça, cette conscience de la vie, cette conscience de la beauté des choses. Donc oui, on modifie notre façon de fonctionner. Et la relation à autrui? On modifie aussi notre relation aux autres, bien sûr. On est beaucoup plus attentif aux autres. Il y a déjà cette part d'innée qui fait que, voilà, on est attentif ou on ne l'est pas. Mais je pense qu'on ne devient pas sophrologue par hasard non plus. C'est aussi un vécu, c'est aussi un cheminement de vie qui fait que déjà il y a cette sensibilité qui fait qu'on est sensible aux autres avec cet outil qui permet d'aider les autres et qui est très importante. Alors aider les autres, pas à faire, hein, bien sûr, on ne fait pas pour eux, mais on les aide à retrouver leurs ressources personnelles et à retrouver en elles les solutions qu'elles ont elles-mêmes. On n'a pas les solutions, hein. On n'a pas de baguette magique, on n'est pas magicien du tout, hein. Mais par contre, les accompagner à retrouver leurs ressources personnelles, tout comme Aurélie, avec l'activité physique adaptée, c'est pas elle qui fait les mouvements pour elle. Elle leur propose, comme moi, des choses. Mmh. Et par contre, ça leur permet de retrouver leurs ressources personnelles pour faire ces choses. Et ça oblige à une adaptation continuelle. Permanente, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'une personne qui va faire de l'activité physique adaptée, je pense qu'elle va être plus attentive pour la partie équilibre qui est concernée, à comment elle marche, sur quoi elle marche et de quelle façon. Elle va être dans son ressenti corporel aussi. Comme en sophrologie, on est aussi dans le ressenti corporel. Moi, en début de séance, je demande à mes participants ou participantes, comment vous vous sentez aujourd'hui? De quoi vous auriez besoin? Et Aurélie, elle travaille aussi de cette façon-là. Elle va répondre dans sa séance aux besoins, si on parle de notre projet Sophrociel, des seniors, sur un temps donné, pour que ces personnes se sentent le mieux possible, acquièrent les outils très simples aussi de l'activité physique adaptée, et que ça devienne aussi pour eux une philosophie de vie. On va s'accorder une pause musicale ? Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle choisit alors ? Tu as laissé Justine choisir ? Bon, on va découvrir, tu me feras un petit commentaire par rapport à ton choix, si tu veux bien. Eh bien, je vais découvrir aussi. Merci. Thank you. Voilà, alors un petit commentaire par rapport... Alors, je ne connaissais pas cette musique, mais elle était très douce et très agréable. Mais tu connaissais le titre quand même, tu connaissais. Pas du tout, on l'a choisi, c'est Lia. C'est Lia qui l'a choisi. Elle m'a demandé ce que je voulais mettre comme musique sur proposition du docteur Tisserand. Je voudrais savoir, les séances, elles sont accompagnées de mise en ambiance musicale, sonore, non hein, oui ou non? Alors je ne travaille qu'avec visuel, ma voix. Qu'avec la voix. Voilà, voilà. Qu'avec la voix, c'est parce vrai. Que à l'école de Catherine Aliota, en fait, on avait déterminé cette formation, enfin elle a déterminé cette formation parce qu'en fait une personne qui va être guidée par de la voix sur une musique va se promener plus facilement sur la musique, ouais. Revenir sur la voix et être moins concentrée sur elle-même. Donc le choix c'était de ne travailler qu'avec la voix. Voilà, oui, c'est ce qui me semblait. Voilà. Par contre, en fin de séance, il m'est arrivé, après ma séance d'une heure et demie, quand les personnes... Voilà, sont bien installés, je n'ai ressors pas de leur état de vigilance, d'attention flottante. Et ça m'arrivait de mettre pour la toute fin de séance un tout petit peu de musique, mais c'est très rare, c'est vraiment des cas particuliers. Est-ce qu'il arrive que certains patients aient du mal de sortir de cet état de vigilance profonde, modifiée? Tout à fait, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont bien sûr être en état de vigilance plus proche de l'éveil, dans cette attention flottante, et puis il y a des personnes qui vont être vraiment proches du sommeil, donc comme je disais tout à l'heure, d'un sommeil léger, mais parfois d'un sommeil un peu plus profond. Oui. Donc il arrive effectivement en fin de séance que les personnes soient bien là où elles sont, d'où cette reprise parfois musicale, ou alors plusieurs reprises, parce qu'en fin de séance, comme je disais, on ramène la personne ici et maintenant, donc plusieurs reprises. Parfois, oui. Ça nécessite 3-4 reprises tout en douceur. Donc vous offrez le voyage à aller-retour. Ah oui, surtout le retour aussi, oui, je ne les laisse pas là où elles sont, là où je leur propose d'aller. Sachant alors que ça reste une proposition, qu'elles peuvent très bien aller ailleurs et se sentir encore mieux qu'ailleurs que là où je leur ai proposé d'aller. Oui. Voilà. C'est une technique éminemment empathique finalement. Bien sûr. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'empathie au départ, et oui. D'où cette part innée dont je parlais tout à l'heure. Et on rejoint la préoccupation du soignant qui tout doit... à fait. C'est pour ça que c'est aussi un soin. Dans le cadre de l'accompagnement des personnes atteintes de cancer ou en rémission de cancer, on appelle la sophrologie, elle entre dans les soins de support. De support. Ça veut dire beaucoup de choses, effectivement. Et alors... Je vais poser la question à mes deux invités, enfin, mon partenaire et puis à mon invité. Quelle relation avec le monde hospitalier, par exemple? On parlait de périnatalité, oui. On parle de... Alors, le monde hospitalier... D'aide par rapport aux souffrances du cancer. Le monde hospitalier nous accueille plutôt bien. Souvent, ils forment leurs propres soignants. C'est vraiment une technique qui est entrée dans le monde hospitalier maintenant, hein, qui fait partie de l'accompagnement à l'accouchement, qui fait partie de l'accompagnement des pathologies lourdes, qui fait partie aussi de l'accompagnement non seulement du cancer, mais des troubles neurologiques, également du sida, des personnes atteintes du sida. Donc c'est quelque chose qui va vraiment accompagner la pathologie et généralement très en lien, oui, avec les équipes soignantes. C'est pratiquement comment ça se passe alors? Moi je ne travaille pas avec des équipes soignantes. J'ai accompagné des soignants dans le cadre d'EHPAD, mais je ne travaille pas avec les équipes soignantes. Je le faisais ça dans mon cadre de bénévolat à l'hôpital de Troyes, hein, là où je résidais avant. Les bénévoles étaient très bien accueillis et je suis sûre que les sophrologues, maintenant qui exercent à Troyes, doivent être très bien accueillis dans ce service d'hospitalisation et dans ces services d'hospitalisation. Mais il n'y a pas de financement par l'établissement hospitalier. Alors ça dépend, je pense qu'il peut y avoir un budget alloué par les établissements hospitaliers, mais c'est un grand travail de préparation. Hein, c'est vraiment rencontre avec les dirigeants, c'est vraiment rencontre avec, si ça se fait comme avec le bénévolat d'accompagnement de personnes en fin de vie, rencontre avec les directions, rencontre avec les chefs de service, rencontre avec l'équipe soignante, respect des autres et vraiment travail en équipe. Hein, je pense que ça doit vraiment très bien fonctionner dans ce sens-là. Et puis, de plus en plus d'établissements, effectivement, proposent la formation de sophrologues à leur personnel soignant. Et là, il y a les financements dans le cadre du plan de formation de l'établissement. Bien sûr. Voilà. Oui. Et ça intervient dans ce... Non, pas pour ma part. Je sais qu'en maternité, beaucoup de sages-femmes sont formées à la sophrologie et font des séances de préparation à l'accouchement à l'aide de la sophrologie. Et en anesthésie, il y a une discipline voisine qui est l'hypnose, qui prend un essor considérable en salle d'opération. C'est-à-dire que ça permet de réduire les doses d'antalgiques, de somnifères, de curares, de coréalisants. Tu l'as pratiqué quand même ? Non, mais j'ai pratiqué des interventions sous hypnose. Oui. Mais c'était l'anesthésiste qui... Qui intervenaient. Oui, tout à fait. Qui sont purement hospitaliers, mais qui sont formés à l'hypnose en anesthésie. Et avec un succès assez considérable. Hein. C'était assez spectaculaire. Tout à fait. Et je crois qu'hypnose et sophrologie sont deux cousines très proches. Mais je crois que l'hôpital a pris conscience. Sauf que dans l'hypnose, finalement, le praticien, il va imposer. Il est un peu plus directif. Il est directif, voilà. Mais il le fait avec l'accord entier du patient. On est dans une hypnose médicale, on n'est pas dans une hypnose de spectacle. Ah non. Qui est subie. J'ai horreur de ça. L'hypnose médicale, c'est une hypnose faite d'empathie, faite d'aide du patient sur un patient volontaire qui le souhaite, qui marche, qui rentre dans cette démarche avec l'hypnothérapeute. Et je crois que c'est sophrologie et hypnose sont tout à fait voisins et... C'est des manières de faire. C'est peut-être des écoles un petit peu différentes. Ça se pratique tout à fait. Il y a des infirmiers anesthésistes qui ont fait cette formation-là. Et c'est remarquable. C'est remarquable. Et la sophrologie, dormièrement En maternité, je la connais. Je ne la connais pas trop dans les autres services. Voilà. Non, mais c'est, comme dit le docteur Tisserand, c'est très complémentaire. Il n'y a vraiment aucune concurrence. C'est vraiment cette empathie du praticien qui fait justement qu'on va aller vers le praticien, qu'on soit hypnothérapeute ou qu'on soit sophrologue. L'hypnothérapie est effectivement plus directive. La sophrologie est plus de l'autosuggestion. Mais malgré tout, ça ne peut se pratiquer qu'avec l'accord libre et total de la personne. Pas cette hypnose au spectacle. On est vraiment dans le respect, dans le respect du métier. On a vraiment un code de déontologie aussi qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec une personne vivante, quelle que soit cette personne. Et c'est très important, ce respect de l'autre et cette empathie. Oui, ce respect, on le fait avec son accord et avec la volonté empathique de l'aider pour son bien avec son accord. Oui, parce que finalement la maîtrise de certaines techniques peuvent aller loin. Une personne qui utiliserait mal l'hypnose ou la sophrologie pourrait faire beaucoup de mal à quelqu'un. Une personne malveillante, je pense qu'elle pourrait vraiment détruire quelqu'un volonté-là. C'est un outil, mais je crois qu'il doit être utilisé avec une déontologie extrêmement précise. Et puis beaucoup de bienveillance, c'est vraiment pour accompagner l'autre pour un mieux-être. Et non pas pour avoir un pouvoir sur l'autre. Par rapport à toute dépendance du patient par rapport à vous. Ah, tout à fait. Le but, c'est que le patient trouve ses ressources internes et gagne son autonomie. Après, la personne peut appeler le sophrologue, avoir des conseils. On peut se revoir sur une séance, je pense en hypnose également. Mais avant tout, le but, c'est que la personne trouve ses ressources internes et son autonomie. Voilà. Donc, aucun lien de dépendance avec l'accompagnant. Vous trouvez en elle les solutions à son problème ou à ses problèmes. Est-ce que malgré tout, il y a une dépendance à un certain moment qui se crée? Non. Il y a un lien qui se crée entre l'accompagnant et la personne accompagnée. Sinon, on ne pourrait pas accompagner si un lien sophronique, pour la sophrologie, ne se crée pas. On appelle ça l'alliance phronique. C'est vraiment cette relation de confiance, d'écoute, d'échange qui est très importante, de pratique, bien sûr, évidemment. Mais c'est clair et essentiel que... Il ne doit pas y avoir une dépendance mentale. Quoi. Non. Sinon, on tomberait dans... Ils disent qu'on n'utilise que 10% de nos ressources mentales. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, je ne suis pas assez calée pour vous en parler. Ce n'est pas un domaine du tout que je maîtrise. Je sais qu'on utilise... On a peut-être perdu certaines facultés. Peut-être. Certaines facultés au cours des temps, puisque on a des moyens de communication qui nous permettent de transcender un peu le temps et l'espace, en quelque sorte. Est-ce que justement, on n'a pas perdu certaines facultés de pouvoir psychologique? On connaît extrêmement mal le fonctionnement de notre cerveau. Ben voilà. C'est un organe extrêmement complexe, extrêmement difficile, et on découvre des choses tous les jours sur le... et qui remettent en cause d'ailleurs des acquis anciens. En particulier par rapport aux femmes. Entre autres, parce qu'il y a quand même des théories qui ont été développées tout à fait tout le 19e siècle, voire une partie du 20e siècle, où on pensait que, parce que la masse cérébrale, je ne sais pas comment l'appeler, le volume du cortex, je ne sais pas comment on peut l'appeler, était moins important chez les femmes. Et qu'à partir de ce moment-là, depuis on s'est aperçu que la différence était vraiment le siège d'agressivité chez les hommes. Et puis le volume ne fait pas la qualité. Je rappellerai simplement que l'homme de Néandertal avait un cerveau plus gros que le nôtre. Oui. Et je pense qu'on a un petit peu progressé depuis, donc le volume n'a rien à voir avec... fonctionnement. Quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est le mental qui faire transcender la souffrance, retrouver un équilibre. Tout à fait. La sophrologie, elle va travailler avec l'idée volonté de la personne. Pas contre sa volonté, je dis bien. Avec cette idée volonté, les ressources, c'est aussi la volonté. Et c'est cette idée volonté qui va ressurgir, qui va être mise en avant et qui va permettre à la personne d'être, de retrouver tout ses possibles, en fait. Mais c'est avant tout cette idée volonté qui fait que... C'est pour ça qu'il n'y a pas de nombre de séances requises y a pour un accompagnement même bien défini. Ça dépend de chaque individu. D'où la difficulté aussi de travailler avec un groupe, parce qu'on prend en considération le mental et la volonté de chaque individu. Et ça, c'est très important. Mais il y a une dynamique qui fait que c'est quelque chose de très riche et de très intéressant aussi. Pour le praticien et pour les personnes. Est-ce que dans un groupe, l'expérience d'une personne, par exemple d'un patient, peut être utilisée par d'autres? Est-ce qu'il y a des choses, des relations interpersonnelles qui peuvent être en dehors du thérapeute, entre guillemets, Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a cette interaction qui est très précieuse. Quand je parlais de richesse tout à l'heure, c'est la richesse aussi de cette interaction qui fait que ça ne se limite pas déjà à la séance pratique de sophrologie. Il y a toute cette interaction qui se crée. On est vraiment des êtres, j'appelle toujours des êtres de meute, on n'est pas fait pour vivre en ermite. Et cette interaction fait qu'effectivement, certains patients, certaines personnes accompagnées, de par leur expérience, peuvent accompagner aussi le groupe dans la pratique régulière. Je pense par rapport aux enfants, aux soucis rencontrés par rapport aux enfants. Je pense aussi aux soucis rencontrés par rapport à la maladie. Qu'est-ce qui fonctionne très bien dans l'accompagnement de la maladie? Ce sont les groupes de malades qui se forment et qui échangent entre eux sur leur expérience. Donc l'accompagnant est là pour maintenir un cadre, pour proposer des outils et une pratique régulière, mais la richesse vient aussi du groupe lui-même et de ce lien qui se crée, ce lien sociétal qui se crée et qui porte aussi le groupe. Ben, c'est arrivé que j'ai dans certains groupes une séance de pratique très courte sur une séance d'une heure et demie parce que l'expression d'une certaine souffrance avait été posée dans ce groupe-là et accompagnée par le groupe tout entier. Alors c'était pas des conseils de bonne femme entre guillemets, parce qu'on parlait justement de l'estime de la femme, mais c'était vraiment un accompagnement de vie qui a pu être apporté. Et le but en quittant une séance de sophrologie, c'est que la personne se sente un peu mieux qu'en arrivant, Ben là, on avait largement atteint l'attente, l'objectif de cette séance. La personne avait pu poser, avait pu être entendue, reconnue, avec bienveillance, sans jugement, et accompagnée dans cette souffrance. Donc oui. Et par rapport aux addictions ? Alors, aux addictions, on accompagne également les addictions. L'hypnose accompagne également les addictions. Il n'y a pas de mélange des genres dans les groupes. L'accompagnement des addictions se fait en individuel déjà. Ça ne peut pas se pratiquer en groupe, pour moi. Après, accompagner les personnes dans une continuité post-addiction, une fois que les personnes ont trouvé leurs ressources internes pour arrêter, mais déjà, si elles viennent voir un praticien, pour moi, elles sont déjà dans la dynamique d'arrêter. Donc l'idée volontaire, elle est déjà là. Après, il suffit qu'elle entretienne cette idée volonté, qu'elle trouve ses ressources internes pour, mettons si on parle de l'arrêt du tabac, pour arrêter le tabac, et on peut l'accompagner en tant que praticien sur du long cours en fonction de ce que demande la personne. Ça peut être simplement, après l'arrêt du tabac, gestion du stress et mise en place d'outils qui permettent, et l'activité physique aussi remplit ce rôle. Hein. Quand on a fumé, c'est pas mal aussi après de reprendre une activité physique qui va permettre de dépenser l'énergie qui peut ressurgir sous forme de stress ou de d'énervement. Est-ce qu'il y a des patients entre guillemets qui seraient des artistes, des sportifs, des gens qui doivent parler en public, des gens qui sont bien sûr. C'est pas toujours facile de parler en public ou de se préparer à. Bien dans notre domaine des médiums. Alors des médiums, j'en connais, mais personnellement. J'ai jamais accompagné de médium par la sophrologie. Des personnes qui doivent s'exprimer en public, oui. Ça m'arrive de préparer des personnes qui doivent, par exemple, passer un entretien d'embauche ou qui doivent préparer une conférence et présenter un article dans cette conférence. C'est vraiment cette préparation mentale-là aussi qu'on va pratiquer. L'accompagnement des sportifs de haut niveau, ce n'est pas mon domaine de compétence. Je n'ai pas eu l'occasion. Je sais que d'autres sophrologues le font et le font très bien. Et je sais que c'est aussi de la préparation mentale, tout comme on prépare une personne à s'exprimer en public, tout comme on prépare une personne à une opération chirurgicale, à un accouchement ou à un examen qui peut être invasif. Donc oui, tout à fait, on prépare ce type d'accompagnement. On s'accorde une petite pause. Money. Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne avec, avec Jocelyne, sophrologue, et puis notre partenaire habituel, Jean, hein, pour Magazine Santé. Voilà, un petit commentaire par rapport... c'est Jean qui va le faire, oui. Hein, c'est son choix, par rapport à cette pause musicale. Écoute, moi je suis un fan des années 60, Beatles, Rolling Stones, entre autres. Qui nous venait d'Outre-Manche. Voilà, oui. Outre-Atlantique, finalement. Oui, oui, tout ça, c'est une musique anglaise de, des années 60. Je suis un fan, un inconditionnel, collectionneur de vieux vinyles de cette époque, même. C'est... Voilà. Un petit commentaire aussi, parce que l'émission touche à sa fin. Là. Alors, les perspectives, Jocelyne. J'aurais aimé parler du groupe de Saint-Dié qui est en cours de formation, et c'est vrai qu'on a vraiment espoir aussi d'arriver à recueillir un groupe d'une quinzaine de personnes pour pouvoir vraiment pratiquer et proposer nos outils. Et en fait, j'ai rappelé juste à quel type de population elle s'adresse, il s'adresse ce projet Sophre au ciel. En fait, c'est vraiment dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité, hein, de la République, c'est-à-dire ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination, nombre, âge, sexe, résidence, participation. C'est des personnes vieillissantes en perte d'autonomie avec risque avéré de chute, personnes vieillissantes en perte d'autonomie mais capables de se déplacer seules, personnes vieillissantes autonomes mais isolées, personnes vieillissantes aidantes ou aidées. Voilà, donc ces groupes sont vraiment ouverts sur une perspective d'accompagnement de nos seniors, et nous espérons vraiment qu'à partir de début septembre, nos seniors vont rejoindre également le groupe de Saint-Dié. Voilà. Oui. Je les encourage. Oui. Et puis on aura d'autres sessions si ça fonctionne bien. Une excellente technique. Et... Oui. Qui peut apporter beaucoup de choses. Merci beaucoup. J'ai donné aussi un petit peu mon opinion, mais l'IA pour le donner aussi. On a eu beaucoup de plaisir à t'accueillir à notre radio locale, hein, en particulier parler de sophrologie, parce que c'est un domaine, c'est vrai, on en parle peu. On en parle peu, et c'est quand même une nécessité de développer ces techniques, hein, pour permettre quand même de surmonter bien des stress, bien des souffrances que génère notre société, en particulier de consommation effrénée, j'allais dire, hein, puis qui laisse au bord du chemin pas mal de personnes. Tout à fait, c'est vraiment pour laisser un minimum de personnes au bord du chemin, justement, et de partager avec toutes les personnes qui souhaitent partager avec nous. Donc c'est important. C'est important. Il y a de plus en plus, je pense qu'il y a de plus en plus dans notre société de personnes isolées. Tout à fait, tout à fait. Hein, il y a aussi d'autres structures. Les familles sont éclatées, ça signifie aussi que les activités professionnelles nous séparent des inactifs, enfin des inactifs, entre guillemets, parce que, qu'on peut être traité et puis conserver beaucoup d'activités. Et là, je crois que c'est nécessaire, un accompagnement. Tout à fait, tout à fait. C'est très important. Créer des collectifs et puis garder le lien social, le maintenir, le restaurer, voilà. S'il est perdu. On arrive. Il nous reste quelques minutes encore. Il reste un peu moins de 2 minutes. Ah oui, alors bon, on va souhaiter une bonne fin de journée à nos auditeurs et puis leur donner rendez-vous. Alors. Mardi prochain, en remerciant bien sûr Jocelyne et puis Jean, hein, d'avoir participé à ce magazine santé du mois d'août. Pour les perspectives, parce que là, on est en été, alors donc il faut que je me discipline un temps soit peu pour mon programme de l'été. On donnera rendez-vous au mois de septembre, je pense que si Aurélie peut venir, parce qu'on ferait un magazine sans figure pour thème de sport. Oui, surtout les aspects, hein, adaptés. Oui, je pense qu'il faut qu'on en parle, le sport santé, c'est extrêmement important. Puis Jean comme moi, ont été des pratiquants, on va dire. Anciens sportifs qui essayent de se maintenir, mais je crois que c'est très important pour la santé aussi, ça. Voilà. Mardi prochain, ce sera donc le dossier conso habituel. Et le mardi suivant, donc, on va parler de la rentrée judiciaire et puis des réformes des réformes Macron sur la justice, parce qu'on en parle peu, et pourtant c'est très très très très, très important pour les justiciables. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, et merci Michel. Bonne soirée, merci, et merci de cet accueil.